Je n'ai pas connu les douleurs dont tu me parlais. Je n'ai pas vécu la misère, même si j'y étais.